Bonjour tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e. 14e numéro déjà. Autour de la table, quatre invités comme à l'habitude. Je commence par monsieur Freddy Gladieux. Bonjour Freddy Gladieux. Bonjour. Freddy Gladieux. Freddy, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Bah, Freddy Gladieux. On va pas faire la musique à chaque fois. Quand on dit ton nom, j'imagine ça va être très long. Ça allait vraiment être chiant. Bah, Freddy Gladieux, ce que je peux vous dire de beau, je suis auteur. Chez Gold. Ouais, auteur, ouais. Un peu comédien. Ouais. Bah, chez Golden Moustache au Lab. Ouais. Depuis le début de la saison. Yes. Et ça se passe bien. Je fais des vidéos. Pas beaucoup pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont venir et c'est voilà, je crois que c'est tout. Tu écris pour d'autres choses aussi. Aussi, ouais, exactement. Je travaille avec Panayotis sur le petit journal. L'oseille. Voilà, exactement. Les chroniques avec avec Panayotis Pasco. Voilà, voilà. Ce petit jeune de 17 ans talentueux. Et 17 ans vraiment. 17 ans vraiment. Parce qu'en vrai, des rumeurs disent qu'il en a 42. Vraiment. Ouais, vraiment, il y en a un peu moins. C'est le mec des Kaira à la base. Beaucoup moins. Franck Gastambide, tu veux dire? Je ne fais pas de Franck Gastambide. Ça serait on les a jamais vus dans la même pièce. En même temps. C'est peut-être le même. Nous sommes avec Aurélien Prévost. Bonjour Aurélien. Bonsoir. Bonjour. Les lunettes, il a des lunettes. Il a des lunettes. Le mec. Hey, un télo. Comment vas-tu? Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh bien, moi, je suis un peu dans le même délire que le gars qui s'est présenté juste avant, qui a fait une petite chanson. Tu parles de Freddy Gladieux. Voilà, c'est ça la chanson. Moi, je suis comme Freddy Gladieux. Bravo. C'est-à-dire que je suis au Lab de Golden Moustache. Yes. Donc, comme dirait Flaubert, donc un peu auteur, bon, un peu comédien, un peu réalisateur. J'adore faire durer mes dernières syllabes. C'est un gros kiff. Et voilà quoi, du coup, bon délire, bonnes vibes, du coup, c'est pour ça quoi. Et tu as aussi une chaîne Dailymotion sur YouTube aussi? Non, elle est que Dailymotion. Oui, non, bah non, j'ai une chaîne Dailymotion. Voilà, tu es motion maker, on peut le dire. C'est ça, exactement. Voilà, et qui s'appelle Grippin TV. Voilà. Et je vous invite tous à aller regarder parce que c'est très marrant. C'est très drôle. C'est très marrant, voilà. En plus des sketchups que tu as fait, que je conseille également. Tout à fait. Voilà, nous sommes aussi avec Pierre Lapin. Oh oui. C'est quel animal? C'est un lapin. Yes. C'est quel matériau pour le prénom? De la pierre à minéral. C'était Pierre. Pierre Lapin. Un animal, c'est Pierre Lapin. C'est beau. Pierre Lapin, enchanté. Est-ce que tu es ravi déjà? Bah, je suis vraiment flatté et ravi d'être ici. Et ben, je suis adepte du podcast et m'y voilà. Eh ben, écoute, je suis très heureux. Alors, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, Pierre Lapin, j'ai 27 ans et je suis photographe, vidéaste. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Club Officiel. C'est ça, tu as une émission hebdo. C'est ça, hebdomadaire. Donc, je suis un enthousiaste de l'internet, donc j'aime bien en parler. Voilà, avec ton comparse. Avec mon comparse Guillaume Malissen. Que l'on salue. Et Pornokid. Et voilà, donc. Ça, c'est une bonne présentation, hein. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Ouais. Merci. Bah, moi, je suis un peu jaloux. Je sais. Vu les nôtres. Et donc, voilà, je suis un peu touche à tout aussi. Voilà, tu fais voilà, un petit peu de tout. Voilà, j'ai beaucoup de projets secrets. Ah, le mec tease. Et tu es également frotteur du métro. Exactement. Mais je voulais rester un peu undercover le plus longtemps. On coupera. Que, voilà, et voilà. J'aime les femmes. Voilà. Et surtout quand ça sent. Enfin, senteur, frotteur et soupeur, mais c'est plus difficile. Est-ce que tu fraudes également? Est-ce que les frotteurs fraudent ou est-ce qu'ils ont un pass? Non, je pense qu'ils fraudent pas. Est-ce que tu casses aussi? Tu casses quoi? Casseur-frotteur. Je suis référence hip-hop, hein. On est avec Adrien Méniel. Mais c'est qui Adrien Méniel. Adrien Méniel, grand habitué du Floodcast, voilà, tu es là. C'est plus qu'habitué en fait. T'es un co-host en fait, mais vraiment, voilà. Je sais que tu essaies de me rabaisser au rang d'invité à chaque fois, mais. Non, j'essaie de te rabaisser parce que voilà, les gens parlent. Un peu réalisateur, un peu sniper. Comme c'est ce que dirait Flaubert s'il était là. Voilà, un peu, oui, un petit peu. J'aime le rappeler, le Laurent Bertini de cette émission. C'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très ravi que vous soyez là. Nous allons faire un tour de table, comme à chaque émission, pour que vous nous parliez des trucs que vous nous conseillez, des trucs que vous avez vu, écouté ou entendu cette semaine. Écouter, entendu sont des verbes assez similaires, en vrai, je m'en rends compte en le disant. Pierre Lapin. Alors, on commence par moi. Bah oui, parce que c'était un peu ton métier dans le club. Vous, ah bah oui, on parle de ce qu'il faut regarder sur Internet pour rester cool et branché. Ah, voilà, ça m'intéresse. C'est essentiel. Donc après, vous voulez que je vous parle vraiment des vidéos du moment? Parce que moi, j'avais des trucs que j'avais appréciés et que je voulais en parler. Dis-nous ce que t'as apprécié. Tu es libre. Dis les trucs qu'on te dit. Calme-toi. Qu'est-ce que tu dis que tu fais? Adrien, pose-toi. Tu nous dis les trucs que t'as kiffé. Moi, je voulais vous parler d'une série qui s'est terminée récemment, qui s'appelle Man Seeking Woman. Ah oui. On le fait à chaque émission. Je suis désolé, Pierre. Avec 100 points. Voilà. Avec Eric André, Baruchel, bref, c'est génial. Voilà, c'est vraiment. Sinon, je joue aux jeux vidéo. Ah ouais. Oh là là, attends. T'es un gamer? Un peu un gamer, non, ouais. J'adore ouais. le gaming, moi. Yo, tout le monde. Les joypads. Star Wars, joypad. Les manettes. C'était un magazine, pas un joystick. Je peux vous diriger sur le jeu The Witness, qui est un jeu d'aventure puzzle. Oui. Voilà, très intéressant. Ah, tu y joues? Oui. Ah bah voilà, j'ai t'es abandonné un gamer. Très vite. Parce qu'il faut se dire que c'est très, très énervant. En fait, je suis arrivé à un moment où t'as des puzzles. Et tu dois refaire par symétrie ceux qui sont derrière Exactement. Toi. Et j'ai arrêté. Voilà. C'est très chiant. Ah ouais, c'est un peu chiant ça. Non, parce qu'il y a les puzzles qui se cachent dans le décor aussi. Et selon l'axe de vue que tu as, ça se dessine ou pas dans le paysage. Et c'est très très intéressant. C'est horrible. Intello. C'est horrible, mais quand tu le trouves le truc, il y a une jouissance qui se fait. Ah oui. Et c'est une petite anecdote, mais qui a son intérêt. Première fois de ma vie que je vois ma copine me demander si elle peut prendre la manette pour jouer. Elle a jamais joué aux jeux vidéo de sa vie. Ah ouais. Et là, elle a dit ah vas-y, j'ai envie d'essayer. Et elle a résolu un puzzle que j'arrivais pas à faire et tout. Et ils ont recouché ensemble. Voilà. Voilà. Non, pas. Du coup, tu as appelé ton enfant The Witness. C'est la exact. Question que je l'ai appelé Gaming. Yo tout le monde. Mon gamin s'appelle Gaming et ma pièce de théâtre. Au théâtre de Jazet. Non, voilà le jeu vidéo. Donc j'apprécie fortement et je suis allé voir Midnight Special récemment au cinéma. De Jeff Nichols, un bon Texan. Ouais. Avec Richard Linklater qu'on aime bien. Et voilà, donc c'est un petit peu pas paranormal. Tu l'as vu toi? Non, mais je vois ce que c'est. Ouais. C'est voilà, un film de SF. Voilà, il y a des indices comme quoi c'est de la SF et c'est un petit bonhomme qui a des pouvoirs un peu bizarres. Et voilà, c'est une fuite en avant à travers les paysages américains absolument somptueux. Tu t'es envolé sur tu as le sens mais de oui, la formule. J'aime ça beaucoup. Me donne vraiment envie de voir. Non, mais les moi, ça me donne envie d'avoir le sens de la formule. Et les gens peuvent s'attendre à des choses, mais ce n'est pas le cas. Voilà, tout le monde dit c'est Spielberg, c'est Rencontre du troisième. Alors, type, qu'en fait, c'est plus Fabien Antoniente. Voilà. Bon, vraiment... Je vous spoil, je l'ai vu. Alors, et toi, tu apprécies ou pas? Non, ça va. Oui, c'est vraiment le meilleur spoil. J'ai adoré. Mais je pense qu'Adrien l'a vu aussi, parce que tu as vu beaucoup de films. J'adore le film, je l'ai vu tout le temps. Non, j'ai vraiment pas vu. T'as kiffé, toi, Aurélien? Ouais, je l'ai vu. Mais je suis un peu passé à côté. C'est un petit ouais, comme dirait mon oncle. Non, je suis passé un peu à côté. Pour quelle raison? J'ai dormi un moment parce que j'étais fatigué. Oui, après, pour quelle raison? Après, tu sais pas si t'as dormi un peu ou beaucoup, et du coup, tu te poses la question tout le film plutôt que. Merde. Justine Le Petit a la même maladie, c'est-à-dire qu'elle s'endort à chaque film qu'elle va voir. Ah non, j'ai pas dit à chaque film. Oui, non, mais. Mais ça veut pas dire que le film est pas bien. Non, c'était bien. Ok. C'était bien, mais j'étais on pas. On est sur un bon tiède. Personne a vu Les Visiteurs 3 autour de la table. Ah, non, mais j'aimerais bien voir, mais j'ai pas vu. J'ai vu des critiques de Durandal et tout ça. Non, moi j'ai vu plein. Oh, bah Durandal. Mais il a un peu aimé. Il a pleuré, j'imagine. Est-ce qu'il a pleuré comme quand il a vu Lucie de Luc Besson? Non, ça, la s'il te plaît. Je ne sais pas de qui on parle. Alors, c'est un gars sur YouTube qui fait des critiques. Et you quoi? Durandal. YouTube. Tonton, écoute-moi bien. Le motion maker. Et en gros, il fait des critiques ciné. Et il est un peu connu et on se moque un peu de lui. À juste titre, selon moi. Parce qu'en fait, il a pleuré. Il a fait une critique du film Lucie de Luc Besson. Le film où Scarlett Johansson est intelligente, donc du coup elle fait du kung-fu. Et du coup, il a fait une critique où il fait. Où il y a un long silence de 10 secondes à lui, il fait. Quand je suis sorti du film, j'ai senti un truc couler sur ma joue et c'était une larme. Et en fait, le truc, c'est qu'à la fin de la critique, il sort du champ et il s'enlève son micro et t'entends. Il sort en pleurant déjà. Il sort en pleurant. Il fait putain, je suis trop con, je suis encore en train de pleurer. Oui, voilà. Au revoir. Il s'en va et après la caméra tourne. Ouais, la caméra tourne dans le vide. Et il laisse quelques secondes où il a dû se rapprocher du micro sans doute pour pleurer hors champ. Il a laissé. Voilà. Alors, sachant que la mise en scène, voilà. Sachant pour ceux qui ont vu Lucie, à la fin elle se transforme en clé USB et que c'est bizarre de pleurer devant ça. Combien de gigas? Je l'ai pas vu moi. Alors, il s'agit d'un bon 4GB que tu peux, mais qui est cool parce que tu peux l'accrocher. Pas ouf. Pas ouf, mais tu peux l'accrocher à un porte-clé. Et ça c'est vraiment cool. 3.0. La question c'est est-ce qu'il qu'ils l'ont bien éjecté avant de manger. Oui, c'est ça. Parce que là, il n'y aurait plus de Lucie 2. Il n'y aurait pas de Lucie 2. Elle serait buggée de ouf. D'accord. Donc, ce mec-là, au montage, quand il s'est vu, comment il a réagi, c'est lui qui monte sa vidéo, j'imagine. Non, en fait, déjà, c'est des vidéos pas vraiment montées. Et, tu parles de Luc Besson ou Durandal? Durandal, en gros, déjà, il ne monte pas vraiment ses vidéos, puisque c'est plutôt un truc où ils disent qu'il a pensé du film, c'est du facecam. Et la fin est vraiment mise en scène. Puisque il se met en scène en train de pleurer. Il aurait pu couper bien plus tôt. Pas monter, j'entends. Il l'a revu sur un logiciel. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas un live. Il a dû se dire qu'il saisissait les gens au trip. Ouais. À la manière de Luc Besson avec le film aussi. Et il a aimé Aladdin aussi. Il a aimé Aladdin. Mais voilà, bon, c'est un petit peu. Mais moi, j'ai bien aimé Aladdin aussi. Tu l'as vu ? Je l'ai pas vu, c'était vraiment pour la blague. Mais en fait, on peut dire que Durandal, il a un peu la réputation d'adorer ce que tout le monde déteste et vice versa. Son émission. Il a une émission qui s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, qui est déjà qui pose un petit peu le. Ce qui est un super bon concept pour se démarquer finalement. Oui, oui, non, mais c'est ce qui a fait son succès. Ok. Et non, les Visiteurs 3, je vous posais la question parce que moi, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de. C'est le film avec Pascal Njonzi, ça. T'as vu ça où? Je sais pas. Mais alors, blague à part, parce que bon, pour la blague, pour les gens qui comprennent pas la blague, en fait, Pascal Njonzi, j'ai très peur de mal le dire, voilà. Et en gros, c'est le noir qui est sur l'affiche et dont il n'y a pas le nom, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tous les comédiens du film, ils sont genre bien 10, il y a tous les noms, sauf lui qui n'a pas son nom dessus. Et j'ai trouvé très cool ce qui se passe à Paris, peut-être dans d'autres villes, et j'espère pas faire mon parisien en disant ça, où en fait, il y a eu une espèce de mouvement de gens qui ont rajouté le nom sur les affiches du métro, quoi. Moi, j'ai pris le métro dans Paris cette semaine et plein de gens ont rajouté le nom de l'acteur qui manquait. Je trouvais ça chambé. Et non, je vous demandais si vous l'aviez vu parce que j'aurais trouvé ça excellent. Mais moi, j'ai envie d'aller le voir. Ouais, moi j'espère vraiment que ça va être bien. Mais ça le sera pas, apparemment. Après, moi, j'ai pas bien, genre, ça va être aussi bien que le premier, ça se trouve. Non, évidemment, ce n'est pas possible. Ouais. Mais que ce soit au moins pas un truc glauque, quoi. Mais le concept de base est ultra triste. En fait, déjà, de dire le principe des visiteurs, bon, déjà, c'est une suite 30 ans plus tard, c'est jamais très bon signe. Même quand c'est Dumb and Dumber, c'est souvent un peu raté. Les Bronzés 3 étaient assez bons. Les 3 frères 2. C'était un sarcasme. Non, les 3 frères 2, c'est mieux que les Bronzés 3. Les 3 frères 2, c'était un peu horrible. Il y a eu les 3 frères 2. Avec la MDMA, quand ils prennent de la drogue, c'était génial. J'ai pas vu. Et les Viseurs 3, moi je me suis auto-spoilé, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent le voir. Et j'ai envie de le spoiler un peu. Mais tu l'as vu alors? Non, je me suis auto-spoilé. En fait, en gros, tout le monde, la critique disait. Ça se passe pendant la Révolution, mais ça tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est pendant la Révolution, et tout le monde a dit c'est pas bien. Il y a Squeezie dedans. Tout le monde dit c'est pas bien. Il fait la voix d'un écureuil, Squeezie dedans. Le final est dingue à quel point ça va loin. Je ne spoilerai pas. Mais vraiment, c'est un peu kiffant. Ça a l'air génial. C'est horrible parce que ça me donne envie de voir ce film horrible. Ouais, non, mais du coup, je te dirais en rentaine, Adrien. Ça se trouve, il se téléporte dans Retour vers le futur, dans le 2 où tu vois Marty McFly. Qui voit Marty McFly regardé par Jacouille et tout. Ah, mais est-ce qu'il retourne dans Les Visiteurs 1? Non, c'est pas ça. Non, ils vont encore plus loin. Ils vont dans tout ce que tu aimerais dans le cinéma. Ils vont dans Les Bronzés 3. Ils vont dans des films. J'allais dire ça. J'allais dire ils atterrissent dans Les Bronzés 4. Est-ce que, autour de la table, des gens ont vu d'autres choses, écouté d'autres choses? Aurélien, peut-être Pas vraiment. Il y a l'album de M83 qui est sorti là. Il y avait deux sons que j'écoutais en boucle depuis 15 jours qui me chauffaient bien. Là, j'ai un peu écouté l'album avant de venir. J'ai l'impression que c'est vraiment sympa. Voilà. Cool. Quelqu'un dit un truc quand même avant que je parte sur autre chose. L'album Junk. Ouais, c'est sorti là. Voilà, il y avait un titre qui ressemble un peu à La Groupie du Pianiste d'ailleurs. C'est le premier titre. D'accord. Voilà. Ah. Non, je sais pas, j'essaie de rebondir. Mais non, c'est mais très tu intéressant. As raison. Mais M83, pour peut-être les gens qui connaissent pas, c'est quoi? C'est du rock? C'est de l'électro? Ouais, c'est de l'électro qui part. Là, c'est très orchestral. Ça part dans des bons délires. Et à la base, c'est un mec tout seul, je crois, qui vit à Los Angeles. C'est un Français. Et qui s'est fait connaître parce qu'il avait beaucoup de sons dans les films, genre Chronicle, les trucs comme ça. Et aussi dans le générique de Téléfoot à un moment. Voilà. Et qui l'a fait? Il a chanté. Tu peux me la rappeler parce que je. Ah oui, c'est ça. Midnight City de M83. Non, mais j'aimais bien. Mais c'est un album. Il avait un album avant? Ouais, avec très peu de titres dedans. C'est possible. C'est peut-être un EP à ce moment-là. Ouais, c'est 31. C'est pas un EP. Il vient du sud. Parce que j'ai découvert avec ce son. Il vient du sud et par tous les chemins. J'y reviens. J'ai dans le cœur. Chimène Badi. Et au cinéma. J'ai... Sardou, hein. Oui, je sais, merci. Tu ne savais pas. Alors. Pas de coup de cœur dans les derniers trucs que j'ai vu au ciné, vu que j'ai vu Midnight Special. Du coup, c'était pas un coup de cœur. Mais dans les trucs un petit peu plus vieux. Le temps aujourd'hui. Le temps aujourd'hui. Ah, yes, elle est bien. Freddy Gladieux, est-ce que tu as vu, écouté, lu un truc cool récemment? Écoutez, je pense que l'album de Brave dernièrement. D'accord, je connais pas du tout. Alors, c'est pas Brave le Disney. Celui qui a fait Erreur 404. Non, c'est un Pixar. Brave. Voilà. Disney. Rebelle. C'est une mauvaise blague. Donc, j'ai droit. Que j'aime bien. Ah, mais Brave, putain, il a partagé Jojo récemment. Ah oui, et... Ça parle un peu de la même chose. Ah oui, d'accord, ok. Il parle d'Internet. Ouais, j'ai vu qu'ils ont discuté un peu avec Nicolas Bernaud sur Twitter. Par discuter, j'entends. C'est changer des compliments. Des petits tweets, voilà. Des petits tweets pour dire bravo. Toi, bravo. Eh, hey, bravo toi-même, ok. Et hey, tu te calmes. Wow. C'est toi, j'écris bravo en majuscule. J'ai vu plusieurs personnes tweeter à propos de cette personne. Mais de Brave pas écouté, oui. Voilà. C'était toi, d'ailleurs, une des deux. Ça peut être. Enfin, j'ai pas envie de le définir par du rap conscient, parce que c'est assez horrible de dire c'est du rap conscient. mais c'est du rap pas con. En gros, non, et surtout, c'est agréable. Mais j'ai découvert aussi Hamza, donc un truc carrément différent, voire on est carrément à l'opposé. Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, j'essaie de ne pas aimer hors antenne, à préciser, voilà, hors antenne, et j'essaie de ne pas aimer, mais il y a des sonorités que j'aime bien, même s'il parle beaucoup de putes et de chattes, et il met des doigts un peu partout. C'est vrai qu'il met énormément de doigts. Dès qu'il y a une chatte, il y a un doigt d'Hamza dedans. D'ailleurs, faites attention, voilà. Si d'ailleurs, aux auditeurs chez vous, si vous avez votre ami pas loin, il y a peut-être un de ses doigts dedans. Vous pouvez faire dépister, voir si vous avez un doigt. Mesdemoiselles, si vous essayez de mettre à tempo et que ça gêne un peu, il se peut qu'il y ait un doigt d'Hamza dedans qui traîne. Mais j'aime bien, moi, dans Brave, il y a une punchline en Erreur 404 qui est un homme azerty en vaut deux. C'est pas la meilleure. Et parce qu'en fait, il part du principe que tous les réseaux sociaux, c'est quelque chose de grave. Ah merde. Et que ça influe un peu dans nos vies, comme un peu Jojo. Un peu Jojo, ouais. Et moi, j'ai du mal avec ce constat-là. Voilà. Tu le prends personnellement, quoi. Il a 58 ans. Ça peut excuser. Il a des beaux cheveux, en tout cas. Mais j'ai du mal de cet aveu-là que c'est grave Tinder. Enfin, c'est forcément le problème pour moi. Est-ce qu'à un moment il dit la souris de l'ordinateur, elle mange un peu le fromage? Est-ce qu'il dit ça à un moment? Non, il est un peu plus conscient que ça. Quand même. Il dit maintenant avec les téléphones, on est connecté aux gens qui sont à des milliers de kilomètres et puis on n'est pas connecté à la personne qui est en face de nous. C'est exactement ce qu'il dit. Alors, je déteste. Je suis désolé. Alors, est-ce qu'à un moment il dit on a du temps pour les pocs, mais plus de temps pour les potes? Et un peu. Il faut regarder le clip. L'époque est monne, mais l'époque est morne. Mais il a d'autres sons. Magnifique. Non, mais il a d'autres sons. Est-ce que l'oiseau de Twitter se sent seul sur sa branche? Cela dit, c'est aussi une chanson de Stromae. Ah oui, c'est vrai. Où il dit sur Twitter, j'imite bien. T'as fait la danse en plus. Non, tu dis, il y a Stromae qui vient de rentrer. C'est pas Eddie Mitchell. C'était très réac cette chanson de Stromae, j'avais trouvé. Ah, je sais pas, elle m'a moins choqué, moi. Ah ouais, moi j'ai pas. J'étais servi par un beau clip. C'était un très beau clip. Oui, et même l'instru, je kiffe. Oui, mais avec un beau clip où les gens se font bouffer par l'oiseau de Twitter, c'est assez bizarre. Moi je me suis fait manger un doigt par l'oiseau de Twitter une fois. Si ça arrive, non, c'est pas entièrement. Il m'a pas. Lui, il est. Il l'a pas sorti de nulle part quand même. Il est, mais il dit, il va manger tout vous. Il mange juste un bout, quoi, au max. Donc ça va. Ça faut dire que l'oiseau de Twitter, il est pas très gros en même temps. Non, le clip, il est énorme. Dans le clip, il est gigantesque. Mais en vrai, c'est un rossignol. Enfin, c'est un truc bleu, ce qui est rare. Mais... Adrien, est-ce que tu as vu des trucs où... J'ai pas grand chose, mais j'ai découvert un peu par hasard. Thibaut in shape. Exact. Ah, yes. Et j'ai perdu 5 kilos. Et j'ai des énormes pecs. C'est faux, j'ai aucun muscle. Non, un rappeur qui s'appelle Dylan Cooper, un rappeur de Brooklyn, je crois. J'ai vraiment... De Brooklyn. Oui, de Brooklyn. Non, mais t'as dit Brooklyn, j'avais l'impression que c'était... Je n'ai pas dit ça. Arrêtez, bon, j'ai peut-être dit ça, mais je suis fatigué. Et j'ai l'impression d'être cool parce qu'il a genre 2 chansons sur Spotify et pour l'écouter, il faut aller sur SoundCloud. Sur son SoundCloud à lui. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de sons un peu genre old school, car je suis vieux et du coup, ça me rappelle ce que j'écoutais à l'époque. À l'ancienne. Donc, mais c'est à l'ancienne, à la manière de DJ Abdel. non, c'est un mec de maintenant, quoi, un jeune. Et, pas du temps c'est cool. Non, pas du temps jadis. Du temps aujourd'hui. Mais il a des trucs assez actuels et des trucs qui sonnent un peu comme dans les années 90-2000. Et moi, ça me plaît, voilà. Ouais. Dylan Cooper, D-I-L-O-N Cooper, comme Bradley Cooper. SoundCloud, S-O-U-N-D. La voiture. En parlant de SoundCloud, j'ai vu un délire génial récemment. Génial. C'est énorme regard. J'ai vu un délire génial qui était même plutôt fun sur les bords. Bon, j'ai plus le nom du groupe. Peut-être tu vas pouvoir m'aider, Pierre. Mais il y a un groupe génial qui a eu l'idée qui était top. Ah, Fuse, machin. Avec les pubs, c'est ça? Non, pas du tout. C'est, en gros, c'est un groupe qui a dit, bon, le Deezer, Spotify, ça rémunère pas des masses. Nous avons commercialisé un album qui est en fait 15 pistes de silence, de 1 heure chacune. Et en fait, ils ont dit, bon, bah, si vous aimez bien notre musique, ce que vous faites, c'est que vous lancez au moment d'aller vous coucher. Et vous allez vous coucher, et comme ça, nous, on est diffusé en boucle, et du coup, ça nous fait des droits, ça nous fait des droits sur les chansons. Et ils ont déposé leur album silencieux sur Spotify, et ils ont récolté, je sais plus combien, quoi. 16 euros. Ouais, je pense. Okay. Hein. C'est ce que tu chantais tout à l'heure. Oui, bah c'est, bah c'est la célèbre. Au moment où tu un extrait, tout de suite. Alors, il s'agit de Vulve Peck, excusez-moi. Vulve Peck. Vulve Peck, un mélange de Peck et de Vulve. Ouais. Et ils ont gagné 20 000 euros quand même, ce qui est quand même une jolie petite somme. Ce qui est, je pense, le max sur Spotify, je pense. Hein. Même Jay-Z gagne 200 balles. Mais est-ce que tu penses qu'à force d'être sur Android, on se comporte comme des droïdes? J'ai écrit un rap dès ce soir. Mais en plus, ce truc, pardon, parce qu'en fait, on mélange tout, mais parce que je reviens sur ton... Comment il s'appelait ce chanteur qui... Brave. Brave. Y avait Lafouine qui avait fait un rap aussi sur les dangers d'Internet avec Patrick Bruel. C'est vrai. Ah, mais oui. Ça s'appelait... Mot d'enfant, qui s'appelait... ça s'appelait Mot d'enfant, M-A-U-X. Bah, bien sûr. Bah, il jongle avec les mots. Les amis, je vous ai invité pour parler d'un sujet dont Adrien a eu l'idée, parce que comme vous... Si vous êtes un auditeur fidèle de Footcast, vous saurez que je n'ai jamais d'idée pour les thèmes. Il s'agit des petites merdes de boulot, c'est-à-dire qu'on a tous travaillé plus ou moins autour de cette table et on a parfois fait des petits jobs de merde, fait des tâches un peu nulles, des anecdotes un peu pourraves de travail qu'on aimait ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous ai réunis pour en discuter. Adrien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Faut que je lance la danse, c'est ça? Bah, ce serait bien. Je me dis, t'as eu l'idée, je dis, tu peux lancer la danse. Non, moi j'ai été. Je vais lever le voile. Non, j'étais au Gobelin pendant un an. J'ai fait la formation assistant réalisateur multimédia au Gobelin qui durait un an. Et c'était une formation en contrat de calife. Et ça m'a appris des trucs. Les cours m'ont appris pas mal de choses, After Effects, tout ça, voilà. Et la partie boulot. Parce qu'en fait, un contrat de calife, c'était deux jours à l'école, trois jours en entreprise. D'accord. Et la partie entreprise m'a appris que je ne voulais plus jamais travailler dans une boîte, car c'est l'enfer. Et notamment parce que il y avait pas mal de choses, mais il y avait donc... il y a peu de chances que les gens écoutent, mais le patron était un mec assez beauf. Et notamment, par exemple, il faisait un truc, c'est-à-dire qu'il allait pisser. Moi, j'étais stagiaire. Il allait pisser. Et ensuite, il venait à côté de moi pour regarder ce que je faisais, mais en se reboutonnant. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dont le pénis est vraiment à hauteur de votre épaule. Il se mettait et il se reboutonnait en regardant ce que je faisais. Il faisait « Ah, c'est bien ça, Adrien, c'est bien ». Il se reboutonnait juste à côté de moi. Ce qui voulait dire deux choses, c'est que déjà, il avait des problèmes d'espace vital pour vivre, parce que tu ne colles pas ta bite à quelqu'un comme ça, surtout quand c'est mais un... Mais si tu tournais, tu voyais sa bite, c'est ça? Non, je voyais quand même pas sa bite, mais il se refroquait à côté de moi. Et ça voulait dire une autre chose, c'est qu'il ne s'était pas lavé les mains. Parce que généralement, tu te rebraguettes et après, tu te laves les mains. Moi, j'attends toujours un peu avant de sortir des toilettes. Voilà. Sinon, on voit que je me lave pas les mains. Et il disait, oh, c'est bien, ça, Adrien. Et après, il me mettait une bonne tape amicale sur l'épaule avec sa main pleine de pisse. Donc, voilà. Et c'était... Il pouvait aller chier dans une cave, quoi, comme dirait Adrien. Il pourrait aller chier dans un bol ou dans un bus. Mais non, et c'était assez... Il y avait tous les trucs qu'on n'a pas envie d'avoir dans une entreprise, les histoires de cul, un peu, enfin genre en gros le patron, il y avait son ex qui bossait dans la même boîte, ils avaient une enfant ensemble, donc c'était un truc un peu bizarre. Il y avait une autre meuf qui se tapait un autre gars de la boîte, mais tout le monde trouvait que ce gars était une merde, donc vraiment chiait sur ce gars. Sauf quand la meuf était présente, quoi. Bonne ambiance, quoi. Tu vivais dans la saison 2 d'une série, en fait. Voilà. C'est un peu ce délire. C'était affreux. C'est pas marrant, quoi. Voilà, pas du tout marrant. Et il y a aussi... Voilà. Non, c'est méchant. Bonne vanne, c'est méchant. C'est quand même pas marrant. Non, et aussi, il y avait une femme qui riait à ses propres blagues. Et c'était... moi, c'était assez dur de passer du temps avec ces gens. Donc, en gros, quand on faisait la pause déj, moi, j'allais bosser. Du coup, ça me poussait à bosser parce que je voulais pas passer du temps avec eux. Et eux, ils allaient un peu glander dans la salle de pause après la pause déj. Ils allaient boire leur café et tout. Moi, j'allais bosser direct. Et j'ai appris que, en gros, la fille qui riait à ses propres blagues disait bah, il vient pas avec nous, l'autiste. Et elle m'appelait l'autiste. Et donc, déjà, voilà, insulter, traiter quelqu'un d'autiste révèle que tu es vraiment une belle personne. Et t'avais quel âge pour se situer un peu Alors, attends. Je devais avoir 20 ans. D'accord, ah ouais, c'est jeune. En plus, tu sais qu'à 20 ans, alors pour le coup, rien n'est impossible, tout devient possible. Exact. Mais à 20 ans, c'est des environnements de taf comme ça, soudainement, à 20 ans, moi, j'aurais pas mille trucs à dire sur la DDE où j'ai travaillé 3 étés de suite quand j'avais genre 17, 18, 20 ans. Voilà. Et effectivement, le moment le plus chiant, c'était quand on allait à la machine à café, quoi. Ouais. Et parce que du coup, tu sais vraiment pas ton monde, tu dois socialiser avec des gens. Et tu te dis juste alors c'est la pause, t'es en soi, c'est censé être le moment cool du taf, mais non, effectivement, c'est quand t'as 20 piges, c'est chaud. Bah moi alors c'est drôle, je rebondis sur ton tu avais terminé Adrien ou pas du tout Non, il y a juste un petit truc, c'est que donc moi j'étais en stage et j'étais dans le même bureau que le patron de la boîte et qui me faisait bosser sur ses projets. Lui il pensait que ça allait être chambé ces trucs et que ça allait révolutionner Internet alors que c'était vraiment nul. C'est lui qui a eu l'idée de Google Plus, on peut le dire. Non, et vers la fin de mon stage il m'a dit tu sais que j'apprends beaucoup à bosser à tes côtés, Adrien. Je dis bah c'est cool vu que c'est censé être l'inverse quand même, je suis en stage. et donc vraiment c'était vraiment une... Mais t'avais une tendresse envers lui ou pas quand même, ou c'est tu le détestais? Je le détestais pas, mais c'était vraiment pas agréable d'y aller, quoi. C'était... Apprendre beaucoup, ça veut dire qu'il t'a vu te laver les mains aux toilettes et il s'est dit « Hey, putain, génial. C'est fou ce truc, c'est pas un autre riz noir !» Non, pas du tout. Putain, c'est que moi, je me lavais les mains 15 jours avant, je suis trop Et pour rebondir sur toi, si tu bossais à la DDE, moi, je bossais dans le laboratoire des ponts et chaussées et je remplaçais l'été une secrétaire. Un pont. C'est vraiment dur. Et les collègues avaient l'intelligence, c'était un peu leur gag, de me parler comme si c'était toujours la nana. Et que, t'as tes règles ou quoi, Flaubert? Voilà, à me parler comme si j'étais une meuf, et bien évidemment à me parler de manière excessivement misogyne, comme si j'étais une meuf, alors que je suis un mec. Donc c'était très bizarre comme relation. Bizarre. C'est vraiment très bizarre. Et donc oui, c'était que des trucs de bah, « alors, bah, t'as pas mis ta jupe aujourd'hui ?» Genre, bah, mais je suis un garçon, c'est très bizarre, tu vois. Et il t'appelait par un prénom de fille? Non, il m'appelait. Ah. Mais ce qui est pire, j'aurais préféré qu'il m'appelle. Ça aurait été drôle un peu. Tu vois, à la Scrubs, quoi, comment il se fait appeler, Zach, bref. Oui, mais là, c'était vraiment. Il m'appelait Florent. Ah, ouais. Donc il me parlait bien à moi, mais il me disait dis donc, t'as ton soutien-gorge qui te gratte. Genre, ça a duré pendant 2 mois et demi, vraiment. Et c'était. C'est pas cool, ça. Mais la bonne chose, c'est que tu as connu le sexisme en tant qu'homme. C'est vrai. Non, mais c'est... Et tu es devenu Mads. Ouais, c'est vrai. Ça va tellement fréquent dans le milieu du travail. Non, mais là c'était vraiment. Et puis surtout, ils étaient passionnés de golf, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais c'était vraiment chiant. C'était vraiment. Ils mimaient, c'était vraiment des clichés de. Ils mimaient comment ils jouaient au golf en leur fait. Leur swing. Et ce qui était horrible, c'est que la machine à café, moi, était dans mon bureau, tu vois. Merde. Et vraiment. C'est toi qui faisais les cafés, quoi. Et non, il y avait la machine qui le faisait, mais il restait. Tu faisais la vaisselle, par contre, j'imagine. Flaubert. Florent. Parce que c'est des gobelets, faut pas les laver. Donc, non, mais c'était vraiment une horreur la plus extrême. Tu prenais du potage à la tomate? Comme toutes. Comment les... ah, non, mais... sans sel, ok. D'accord. Alors, justement, cette anecdote. Freddy Gladieux, est-ce que tu as eu des petits tafs J'ai eu des tafs pas cool. J'ai une anecdote sur. Je travaillais à Châtelet à l'époque, dans le prêt-à-porter. D'accord. Petit job étudiant. Petite marque. Le week-end. C'est Lio. Ah, c'est Lio, pas. C'est Lio ou c'est Lio Club? Ah, c'était Brice, pardon. Ah, ouais, Brice, ça, c'était Brice. Ouais, excuse-moi. C'était Brice. Mieux ou moins bien que Jules? Moins bien. Mais Jules n'existait pas à l'époque. Ah, ok. C'était pas encore ça. Et j'avais un patron horrible. Qui déjà se lavait pas les mains lui non plus. Ah, bah voilà, mais c'est peut-être. Qui me touchait pas forcément. Dans la description du taf. Et qui ne savait pas dire merci et s'il vous plaît. Moi, je trouve ça horrible. Enfin, je peux pas travailler avec des gens comme ça qui te disent passe-moi ça. Et une fois qu'ils l'ont dans les mains, bah, ils passe rien, tu vois. Il n'y a plus aucun son. Et puis, vu que moi j'étais de passage, je me suis dit, je vais peut-être lui dire ce que personne lui a jamais dit. Et donc, un jour, je lui ai dit, hey, vous pouvez dire merci ou s'il vous plaît de temps en temps. Et il m'a dit, oui. Et il est parti. C'est quand même extraordinaire. C'est beau. Donc, ça voulait dire en gros, va te reculer. Tu fais du rap contender, hein, je pense. Et ce mec-là était vraiment une belle ordure. Et il m'envoyait chercher sa baguette, sa demi-baguette, chaque midi. Ah ouais. Oh là, donc, chaque midi, en fait, je montais l'escalator et j'achetais sa baguette. T'étais pas stagiaire, t'étais. En fait, j'ai démarré stagiaire. Ouais. Et puis après, j'étais employé, quoi. Et voilà. Et donc, je léchais sa baguette tous les midis avant de lui rendre. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il m'envoyait, j'étais plutôt ravi. À chaque fois, je lui disais bon appétit. T'as jamais passé l'étape du dessus, du léchage? Non, mais genre la traîner dans le trottoir ou... Non. Parce que non, c'est non, assez... Non, je l'ai pas fait. C'est assez gentil. Tu n'as pas de maladie. Ouais, c'est vrai que ça, c'est gentil. Une anecdote gênante, en fait, quand j'étais quand j'ai commencé là-bas, mon petit CDD pour le week-end, moi, là-bas, j'avais pas de chemise pour travailler, tu vois, en gros. Enfin, pas de chemise. Je venais pas torse nu, mais j'en avais pas tant que ça. Et je prenais donc les chemises de mon père. Et un jour, je vois une autre chemise que j'avais jamais vue. Je me suis dit, ah, elle est cool. En plus, c'est une Yves Saint Laurent. Donc je la mets une fois arrivé là-bas et je me rends compte que les manches arrivent au niveau de mes coudes quasiment. Voilà, donc très gênant, et je me dis je peux pas passer la journée comme ça. Et à l'époque on me faisait assez confiance, donc j'avais les clés et donc j'étais le premier à faire l'ouverture. Et je me suis dit, hey, si tu prenais tout simplement une chemise près de toi, en fait. Voilà. On parle de vol. On parle clairement de vol. Est-ce que t'as léché la chemise avant On parle clairement de vol. Et je me souviens que l'assistante de ce salaud, quand elle arrivait, elle m'a dit, mais t'as pas repassé ta chemise? Parce que en fait, il y avait les plis des cartons. voilà, donc c'était assez extraordinaire. Et je lui dis, non, mais elle m'a dit, elle est neuve cette chemise. Et je lui dis, c'est mon père en fait qui l'a achetée. Quel âge tu as à ce moment-là? Nul. L'âge est important. À ce moment-là, je suis pas tout jeune. Hein. Je crois que je dois avoir 18 ans. Peut-être. Ça va quand même. C'est à 18 ans. Je ne vole plus maintenant, mais j'ai beaucoup volé. Ah, mais donc vraiment, tu l'avais volé? Ah oui, j'avais volé. J'avais volé, mais je l'avais mise. Moi, je crois que c'était un emprunt. Je l'avais mise sur moi, mais je me suis dit, tant qu'à faire, en fait. C'était possible, mais c'était pas possible. Voilà, exactement. Et donc. Donc, c'est la logique du voleur. Voilà, mais il y avait écrit vol en gros, parce qu'il y avait l'argent, je l'aurais acheté, mais vous n'avez pas l'argent, je l'aurais volé. Voilà, exactement. Ça va alors. Et je ne vole plus aujourd'hui, mais voilà. Donc, avec d'autres rigolotes. Vous lui faites pas perdre. Non, c'est fini. Sans dire que c'est un voleur, attends. J'étais un gros voleur. Mais tu l'as gardé là. Tu as gardé cette chemise, tout s'est bien passé. Je l'ai gardé cette chemise. Tout s'est bien passé. Mon bon Aurélien, parce que toi, par exemple, il y a un truc qui m'a toujours surpris un peu chez toi, Aurélien, c'est que beaucoup parlent du McDo en disant oh là là, c'était horrible, ma vie dans le monde. Et toi, quand t'en parles, t'as l'air d'avoir plutôt kiffé. Mais peut-être parce que t'es de nature optimiste, je ne sais pas, mais t'as l'air d'avoir plutôt kiffé ton expérience au McDo, par exemple. Ouais, c'est un contexte. Hein. Je conseille pas à tout le monde de le faire en disant c'est bon, vous allez tous kiffer comme moi. Ouais. Mais effectivement, quand j'ai appris l'intitulé, la thématique, les petits boulots de merde, je me suis dit je ne peux pas parler du McDo car c'était la plus belle expérience de ma vie, quoi. Mieux qu'écrire des sketchs, c'est dingue. Du coup, c'est une petite vie de merde, en fait. Personne n'a compris que sa vidéo était un placement de produit, en fait. Mais il y a des phases où aussi j'écrivais en pro et tout, machin. Et effectivement, aller là-bas, c'était vraiment ma récréation parce que du coup, je préférais mille fois mes collègues du McDo que mes collègues de boîte de prod, de télé, de machin. C'était pas du tout la même ambiance, quoi, effectivement. Ouais. Et c'était une récréation. Mais après, pour. C'était quelle chaîne? Pour replacer le contexte, j'y suis resté genre 7 ans. Donc c'est quand même énorme. Ah ouais, mais après, je précise que j'étais quand même à un contrat de 16 heures dans un McDo cool, dans un quartier sympa. Quels sont les McDo les plus cool? Le mien, c'était métro Cadet à Paris. Ah oui, très cool. Pas très loin. Mais quelle angoisse. C'est celui qui est à côté du Starbucks. À côté Thibaut Inchep doit rager là. C'est ça. Où les caissiers font une roue à chaque fois avant de te servir ta danse. Ouais, c'est ça. Mais j'y suis resté longtemps, l'ambiance était bonne, j'étais en caisse, je m'amusais bien. Et puis au bout d'un moment, quand tu restes longtemps dans un endroit, c'est un peu chez toi. Ce qui est bizarre, parce que là-bas, tu te dis bosser pour McDo, tu bosses pour le capitalisme. Quoi. Voilà. Au final, tu te retrouves juste avec des mecs à faire tourner un endroit pour donner à manger à des gars. Pour le coup, je ne fais que citer des réalisateurs, mais Tarantino disait, lui, moi, j'ai jamais fait la fac, mais j'ai bossé dans un vidéoclub avec des gens de mon âge qui avaient la même passion que moi. Et c'est l'équivalent de la fac. Il dit, tu peux te passer de la fac facilement, mais il te faut trouver un équivalent d'expérience de fac pour être un jeune adulte. Et peut-être toi, c'était peut-être le McDo. Non, parce qu'à côté, je faisais déjà des non, vidéos, non. Tout ça, machin. C'était vraiment deux trucs, quoi. Dis à Tarantino d'aller se faire enculer. Non, j'y ai pas trouvé ça là-bas. Là-bas, je parlais pas trop de ce que je faisais à côté ou des courts-métrages ou des machins et trucs. C'était vraiment deux trucs à part. D'accord. Mais où j'aimais bien parce que tu y allais, c'était freestyle. Yes. Et puis il y a le concept intéressant du tu vas faire un truc et puis après c'est fini. Tu rentres chez toi, c'est terminé. Tu vois, il y a pas de. Oui. C'est des fois c'est agréable aussi, quoi. Tu travailles et c'est fini, quoi. Voilà. Ouais, tu débranches après le boulot, quoi. Donc, effectivement, tu fais des frites, j'aimais bien. Mais tu peux un petit touche pas à mon poste, posé. Voilà. J'ai conseillé à un pote de faire pareil et lui s'est retrouvé dans un McDo à Montparnasse, dans le deuxième plus gros McDo de Paris. Et il m'a jamais plus parlé après, quoi. C'était horrible. Faut dire pour qu'il lui. Est décédé, c'est ça aussi qui fait ça, que. Tout à fait. Donc c'est pas, je dis pas à tout le monde faites ça et tout, mais après c'est vrai que comme partout, tu tombes dans des endroits où ça se passe bien. Au niveau de la clientèle, en fait, y a des belles rencontres ou pas? Ouais. Bah si. Non, en fait, moi j'étais ça, j'étais en caisse et je faisais un peu le show, quoi. Tu vois, forcément. Ouais. Parce que quand tu fais un peu ton rigolo. Et au McDo, souvent vous tombez sur des caissiers qui font un peu le show. Ah, ils roulent du mécanique, hein. Non, mais ils font du diabolo en feu. C'est pas compliqué de, comme en général, les gens font un peu la gueule ou sont pas. C'est pas l'endroit où c'est le plus la fête. C'est beaucoup plus facile de passer pour un mec de ouf en faisant au McDo que dans un resto, dans un bar ou dans un machin. Là, forcément, il y avait toujours un contexte un peu rigolo. Sachant que, franchement, si vous travaillez dans un bar et vous faites des blagues, je ne vous ai jamais rencontré si vous êtes drôle. Parce que j'ai jamais ri dans un bar. Les blagues de serveurs sont les pires du monde pour moi. Non, mais après. Non, vas-y. Tu sais, le Big Fernand, vous êtes déjà allé. Vous avez déjà été au Big Fernand? Ou c'était pote. Moi, j'ai une anecdote. Et c'est insupportable. Salut, c'est quoi ton prénom? Tu veux des frites? Enfin, plutôt des Fernandines. Non. Moi, j'ai ça avec Citadium aussi. Moi, Citadium, à chaque fois. Citadium, donc pour peut-être si les gens qui voient pas ce que c'est des vêtements un peu de jeunes, de skateurs, genre Obey. C'est Lafayette cool, quoi. Ouais, c'est ça, t'as des marques un peu cool, genre Obey. J'y vais pour faire croire que je suis jeune. Vans, enfin, c'est des trucs un peu de marques de jeunes. Et là-bas, ils sont tous en mode. Hey, salut, c'est cool, ça va, on a des tatouages visibles sur les avant-bras et j'ai une super coupe de cheveux et franchement j'écoute plein de trucs vraiment très hype que tu ne connais pas, tu les connaîtras dans 6 ans, mais moi je les connais déjà et qui renvoient une image de moi assez piètre, mais j'achète quand même mes vêtements là-bas. Moi j'ai à Citadium, justement pour l'anecdote, c'est que je suis arrivé en caisse pour payer et la caissière a commencé à me parler sans me regarder, elle a dit « Salut, tu vas bien ?» Elle a levé les yeux, elle m'a vu, elle a fait « Vous payez par carte ?» J'ai vraiment pris 10 ans et après elle a dit « Au revoir monsieur. » J'ai fait « D'accord. » J'ai vraiment pris 20 ans juste en une et interaction. Après, elle t'a accompagné jusqu'à la sortie en te tenant par le bras. Ouais, elle m'a fait pisser. Elle m'a fait pisser, elle m'a changé. Non. C'était vraiment... Alors qu'à Big Fernand, même si t'es vieux, enfin potentiellement, il te lâche pas, quoi. Mais Fernand, qui a un super secret sur les frites, on sait pas. Les Fernandines, on sait pas ce que c'est. Bah, c'est juste du paprika. Voilà, je le dis. Voilà. Et là, ils entendent. Non, on va tous fermer. C'est juste ça, juste du paprika. Alors, vous pouvez trembler, Big Fernand, c'est que je vous écoutais. J'ai une anecdote, moi, sur Big Fernand. Bon, c'est pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. C'était que un jour, c'était après le tournage de Super Rose Hangover sur le toit du Grand Rex. On s'était dit, pourquoi on n'irait pas chez Big Fernand? Et donc moi je suis végétarien et il y avait de la queue pour rentrer et tout machin et il y avait un gars de Big Fernand devant et je lui dis excuse-moi vous faites des burgers végétariens et il fait oui bien sûr on a un burger végétarien donc je dis ah cool il y a quoi dedans il fait ah bah c'est un burger puis on retire la viande quoi. Et elle fait, donc c'est de la garniture dans du pain. Donc on est allé ailleurs en fait. Et c'est... Sauf que moi je l'ai découvert une fois acheté. Voilà. C'est vrai, vraiment vrai. Et du coup après on a dit bon bah on va à Little Fernand qui fait des hot dogs. Et j'ai dit vous avez un hot dog végétarien? Ils ont dit oui c'est un hot dog sans la saucisse. Et on est resté. Par contre on a mangé là. C'était délicieux. C'est une boulangerie avec des sauces. Voilà. Pierre. Est-ce que toi, dans ton travail, est-ce que toi, tu m'as dit que tu n'avais pas trop fait de petits boulots? Non, mais j'ai toujours eu ce complexe-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un passage obligé quand tu es adolescent de faire le boulot d'été ou pas. J'ai pas fait, mais moi. On pas fait, non? Ça non. va Peut-être c'est un truc de province, je sais pas. Ouais. Bref. Et non, mais moi, en fait, j'ai eu des trucs cool, mais qui m'ont apporté des belles expériences de vie. Une fois, mon premier taf, c'était. Enfin, taf, j'étais à la tireuse à bière au Hellfest. Ah oui, Déjà, j'avais un bel affect pour la chose. Et j'étais en plus au VIP. D'accord. Et là, j'ai appris l'humilité. Parce qu'il y avait des petits groupes, pour ne pas nommer, qui s'appelaient qui étaient là à nous faire chier. Pour ne pas payer leur bière. Alors qu'ils n'avaient même pas un album. Il règle ses comptes. Là, il règle ses comptes. Et là, je règle mes comptes. Dans vos gueules. Et ils essayaient. D'ailleurs, il y avait McFly à l'époque. Ah, dans ta gueule, qui avait dragué, qui avait dragué ouvertement ma sœur. Pierre, petite question, c'était en quelle année? Ah non, c'était il y a 9 ans. Je crois que c'est bon. Et donc voilà, je les ai laissés discuter et tout ça. Et donc, ils ne voulaient pas payer leur bière, quoi. Et d'accord. Moi, j'étais là sous fifre à leur donner. Et là, je vois le guitariste de Napalm Death, qui d'accord. est, pour situer genre, un groupe absolument mythique. Pour les amoureux du métal. Voilà, c'est ça. Vraiment, voilà. Et je vois le guitariste arriver avec sa petite bigaille, hein, tout simplement, et qui faisait l'effort considérable de vouloir me payer une bière. Et c'est là où j'ai appris l'humilité, tu vois. Oh, la gentillesse. Les petits groupes, c'est des merdeux. Les gros groupes, ils t'apprennent une belle claque. Pour pondérer, les petits groupes n'ont pas d'argent et les gros groupes ont de l'argent aussi. Oui, mais les petits groupes, ils étaient invités qu'un seul jour et ils sont restés 3 jours quand même. Ça, c'est des picassiettes pour moi. Ils ont tiré sur la corde. Mais bon, de toute façon, ça ne fonctionne pas, ça n'existe plus. Donc voilà, il y a un petit karma, une petite justice. Et si, voilà. vous faites chier Pierre, vous savez qu'à un moment, ça s'arrêtera. Payez vos bières. Mais j'ai pas craché dans les bières, par contre. Et c'est vrai que ça, je pourrais pas le faire. Enfin, ah, je sais pas marrant. Si c'est la peur. C'est un truc qui me fait flipper, ouais, ça, au resto. C'est vraiment le moment. C'est, vraiment c'est l'endroit où je me dis, faut pas faire de conneries, quoi. C'est parce que... Ah, j'y pense, mais vraiment, jamais. Ah, moi non plus. Ah ouais, je suis justement naïf, mais. Mais je m'embrouille rarement avec le serveur. Moi, tout de suite, j'y pense. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas bien avec le serveur, je fais bon, bah. Ah ouais. Quel plat va-t-il pisser, quoi. Ah non. Moi, juste après la commande, à chaque fois, je lui dis tout s'est bien passé. Il me dit ouais, pour être sûr que vraiment. Moi, je lui lâche 20 balles en plus. Pour être sûr. Non, je veux vraiment. Avant. Moi, je veux vraiment pas. Non, mais sinon, après, j'ai assisté en photographie. D'accord. Et moi, à défaut d'être une rockstar, je voulais photographier. Donc, j'ai un côté un peu midi net. Et je voulais voir ça. Et du coup, quand j'ai assisté, j'ai pu voir des stars. D'accord. Et du coup, c'est là où t'es déçu. Ah merde. Ah, par exemple, j'étais fragile quand j'étais adolescent. J'aimais bien un peu Placebo. Bah, ouais, il y a pas de mal, aussi. De très bonnes chansons de Placebo. Voilà. Mais on aime beaucoup. Et j'ai donc rencontré Brian Molko. D'accord, chanteur. Et qui parle très bien. Oui, parle très bien français. Luxembourgeois. Voilà. Anglais. Et qui est un véritable connard. Ah merde. On dit souvent kill your idols, machin. Mais c'est vrai que là, c'était un vrai connard. Et mais il dit pareil de toi, donc après. Voilà, je sais pas si même. Ah non, je crois qu'il dit carrément que t'es. Au-dessus, peut-être au-dessus, quoi. Au bout d'un moment, Pierre, il faut que tu te rendes compte que tous les rockstars à qui t'as parlé sont des connards. Voilà. Remets-toi un petit peu sauf les gars de Napalm Death, qui est ton père, rappelons-le. Oui. Donc, quand même. Et j'ai partagé le PQ avec Mickey D de Motorhead aussi. Ah, une très très belle anecdote. PQ, le rouleau de PQ ou comment du rouleau de PQ? J'étais aux toilettes. Une feuille. J'étais aux toilettes et j'avais besoin de PQ. Tu chiais? C'est important pour l'anecdote. Non, parce que le caca, faut savoir, je suis phobique, donc on peut pas partir là-dessus. Alors, le caca, c'est vrai? Ouais. Vraiment? Oui, oui. Ah, fallait pas dire, fallait pas dire, il y a des relous. Caca, je vomis, donc du coup, ce qui est un peu problématique pour moi, parce que je pense que j'ai une surconsommation de papier, vu que je ne check pas. Si je suis propre ou pas. Okay. Parce que je vomis immédiatement. Ah, c'est super. Ah. Et du coup, je ne fais pas caca hors de c'est chez pas moi. Très écolo, ouais, je Charlie. Ne parle pas. Même dans le couple et tout ça, mais c'est un drame absolument. Mais tu prononces le mot caca. Enfin, dans caca, le couple, ça va. Mais là, si on le dit encore une fois. Oui. On peut pas faire de blague sur le caca du tout. Si, mais tant que c'est pas trop visuel et tout. Ah, ok. Bon, on va éviter. Non, mais c'est marrant d'être. Enfin, c'est marrant. Phobie du caca, c'est. Moi, c'est vraiment la base de mon humour, donc je peux. J'ai du mal. De chien, un truc comme ça. Et du coup, moi, je pense que pour avoir un enfant, ça va être une réelle problématique. Ah oui, parce que vomir dessus tous les jours, je pense que c'est pas viable comme projet. Mais lui te vomit dessus, donc c'est. Il y a peut-être un échange. Moi, je verrais son caca, je m'en fous. C'est... Mais en plus, j'avais l'ex-mari d'une tante, enfin une grande cousine à moi, qui avait le même problème. Et il changeait ses enfants, il allait vomir. Ouais, bah ouais. Et il le faisait quand même. Il le faisait, mais du coup, il y a une de ses filles qui était un petit peu, du coup, un peu déboussolée à ce niveau-là. Du coup, ah bon c'est... Du coup, la gamine, ça lui fait un complexe un peu. Ah ouais, ça dramatisait le caca. Et Du coup, elle ne pouvait après faire caca que quand elle allait se cacher sous une table. Mais elle avait une couche, tu vois, et elle allait se mettre sous une table et elle chiait. C'est un peu le côté honteux de son... Et ce, jusqu'à ses 27 ans. Ça, c'est vraiment ça qui était gênant. D'ailleurs, tu... Ah merde. C'est bon, tu... Rends-nous le bucket de... Non mais c'est très problématique parce que peut-être je passe à côté de graves maladies. Parce que si on faut checker pas. Un peu la couleur, tu passes à côté. S'il y a du sang, peut-être. Non, tu passes à côté de formes rigolotes avec Vincent Tirel pour ne pas le nommer. On s'est envoyé des photos. Je ne dirai pas lequel a envoyé la photo à qui. Parce qu'en fait, l'un de nous deux avait chié le logo de Melty Buzz. ça faisait vraiment le Y de Melty Buzz. Ça vomir, là. C'est imagé, c'est ultra imagé, là. On va arrêter. C'est ultra imagé, ça se fait pas. Non, mais il a pas l'air bien. On pouvait pas faire une vanne plus imagée sur le caca. Tu parles d'un logo. Mais parlons d'autre chose. Comme les nudes sur Snapchat, des fois, les gens aiment bien s'envoyer le caca. Et des fois, au lieu des nudes, je reçois des caca. Ah merde. Je suis vraiment pas bien. Alors là, c'est parce que moi, je reçois jamais de caca. C'est un mensonge. Alors que moi, je m'en fous. Moi, je l'ai fait une fois. Je te jure que j'en ai jamais. Même tes copains. Jamais moi non plus. Ah si Flaubert. Oui. Non, je peux me défendre. Et on arrête d'en parler, Pierre. Franchement, on est non, il les envoie que quand ça fait un i. Non. Tout le temps. Non. Même pour moi, c'est horrible. J'imagine même pas pour lui. Non, mais stop. Les métiers. Non, mais parlons d'autre chose. C'est pas. Alors. Les métiers. Je suis désolé, on repart sur le flou de casse-caca. Non, mais je suis désolé. Allez, les métiers de merde. Les métiers de. Est-ce que lorsque t'étais fan, par exemple, de Placebo juste avant? Ouais, j'étais moins fan à l'époque quand même. Donc ça va, j'ai. D'accord. Parce que ça, c'est une vraie question quand t'as beaucoup d'admiration pour un artiste et tu le vois et tu dis putain, en fait, c'est un enculé. Ça fait mal. Est-ce que finalement, Enfin, comment tu réagis derrière? Est-ce que tu dis, oh, finalement, c'était pas si top que ça? Ça m'a fait ça avec Francky Vincent, moi. T'arrives à... Non, mais... ouais. Est-ce que tu dis, est-ce que tu parles de Francky Vincent, le restaurant? J'allais dire, toi, t'étais fan du restaurant. Avec le personnel à chier. Non, mais est-ce que t'arrives à passer au-dessus et te dire, bah, non, c'est quand même des gens talentueux? Non, parce que Placebo, j'ai arrêté tout de suite, donc je pense que ça m'a tout de suite bloqué. D'accord, ok. Et... Ah, après, il y a des exemples. Moi, par exemple, Dieudonné, j'aime pas ce qu'il fait en humour. Non, c'est... mais quand tu l'as rencontré, attends. Mais non. Je suis perdu. Non, non, t'aimes pas l'humour, mais par contre le propos, bien. Le voilà, propos, t'adores. T'adore. Okay. Mais des déceptions comme ça de stars. Non, moi ça va, j'ai eu beaucoup de chance, moi. J'ai vraiment. Non, toi, c'est vrai que Pef, par exemple, moi j'aurais été tout ému. Oui, non, Pef, il était adorable. Jonathan Lambert, il était incroyable aussi. Simon Astier aussi, parce que Olivier, Olivier Barou, incroyable. Et en plus, nous, on a la chance en fait sur Internet qu'ils sont en plus super bienveillants, parce qu'en fait, ils ont l'impression de voir des, enfin. On est leur premier fan quasiment, ouais. Tu vois, c'est des gens qui ont la cinquantaine et on est les nous, enfin moi par exemple, quand j'ai dirigé Olivier, j'avais 21 ans je crois. Et donc du coup, ou peut-être 22. Ouais. Et du coup, il était là genre je pense qu'on est la première génération de fans qui pouvons citer leurs vidéos ou leurs sketchs comme exemple en disant ah nous on s'est inspiré de vous et on est la première génération qui s'inspire d'eux, donc je pense qu'ils sont extrêmement flattés et qu'ils sont très heureux de venir nous voir parce que voilà ça les fait marrer, puis en plus c'est des quatre géniaux parce qu'on leur écrit des blagues, ils improvisent des blagues, c'est pas juste on les croise dans une soirée et, mais ça pourrait être des connards ça, bah ouais mais non en fait à partir du moment où ils acceptent de tourner avec nous je pense que ils ont un espèce de côté on c'est est à la cool ouais. Mais non moi j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai bossé à Disneyland, c'est marrant, ça reconnecte avec les petits boulots de merde. Il y avait Elie Semoun, qui était un peu compliqué, mais pour la petite anecdote, mais Adrien la racontera mieux que moi, on a eu une anecdote un peu marrante, parce qu'il faut savoir qu'avec Adrien, on a bossé sur les Web Comedy Awards, je reviendrai sur Disney peut-être plus tard, on a bossé sur les Web Comedy Awards, et moi j'ai recroisé Elie Semoun, que j'avais fait rentrer en VIP au Train de la Mine à l'époque, et j'ai eu une vie folle moi, et on a bossé avec lui aux Web Comedy Awards, c'était assez marrant. Ah donc je raconte, non en fait si tu veux hein, moi je peux raconter, non non mais oui en fait je sais pas si ça va être extrêmement intéressant à raconter mais si. Non en fait donc en gros Elie Semoun devait venir un peu en coup de vent pour faire un truc où il faisait son personnage de Cyprien enfin si tu es blonde avec des grondichons poitrine. Et du coup on m'avait dit bon bah de toute façon il sait ce qu'il fait mais bon ce sera toi qui dirigera machin etc et du coup ça se passait dans un hôtel et le tournage et donc il y a Elie Semoun qui arrive et en fait on était en train de discuter, il y avait deux rangées de personnes qui se faisaient face et donc Elie Semoun il arrive, il dit bonjour à une rangée de gens et puis il continue son chemin et comme moi j'aime bien faire des blagues un peu comment dire, du genre un peu sarcastique, un peu faussement agressive et tout. Je dis non, c'est pas grave, hein, dites pas bonjour, c'est pas grave et tout. Et donc il fait eh putain, ça y est, il y a déjà des connards qui nous emmerdent et tout. Mais en rentrant dans le, voilà. Dans le côté, on se vanne et tout. Ça, c'est stylé. Voilà. Et du coup, ça, on a passé la journée à s'insulter. Mais c'était jamais malaisant vu de l'extérieur. Oui. Moi j'étais là. En fait, le truc, c'est que vraiment, c'est à dire que en gros, je dirigeais après. Et donc, je disais, bon, bah là, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Puis il faisait, c'est ça, super, n'importe quoi. et du coup, je clapais, je disais, bon, alors, prise 1 du gros con qui nous emmerde et tout. Et lui, il me faisait des doigts. Il devait y avoir des rushs, du coup. J'aimerais bien savoir où ils sont. Des rushs où je suis en train de clapper et Elie Semoun me fait des doigts derrière et tout. Et du coup, bah, c'était assez marrant. Mais ouais, c'était bizarrement super bon enfant, en fait. Il faut aller le chercher, le Elie. Le Elie. Bah, après, ça peut vraiment peut-être te péter à la gueule, j'en sais rien. Mais bah, toi, Pierre, je pense que tu l'aimerais pas, mais a priori c'est personne quoi. Donc, tu penses que je suis un hater? Non, pas du tout. T'es un hater dans la vraie vie. Tu te rends compte? En tout cas, t'irais pas jusqu'à te torcher avec lui apparemment. Non, enfin, voilà, si, mais il regarderait pas s'il y a de la merde sur le. Arrêtez, c'est horrible. Ah, putain, non, non, mais c'était vraiment. Ah, marrant, tu vois, tu livres une faiblesse et après les gens s'en servent. C'est des outils pour me faire du mal. Oh. Mais c'était vraiment. Moi, j'ai adoré assister à cette scène. J'avais l'impression de me dire, putain, ces gens-là sont presque sur la même longueur d'onde. Ils se connaissent pas et ils s'insultent alors et que moi. Est-ce que t'as gardé contact? Pas du tout. Et non, vous envoyez des fois, va te faire enculer toi-même. Non, je pense que c'est vraiment la dépression qui nous a liés tout de suite. et donc, toi, t'as rencontré Elie Semoun au train de la mine. Ouais, au train de la mine. Parce que moi aussi, mais donc vas-y, raconte. C'est intéressant. C'est drôle. Ah. Non, mais moi, en plus, j'ai pas vraiment d'anecdote intéressante à raconter autour de ça. C'est juste. Mais c'était le train de la mine à Disney ou le train à de la mine, train de la mine. Okay. Non, c'était dans une mine. Elie Semoun a bossé 5 ans dans une mine. D'accord. Et non, c'était au train de la mine de Disney. On va dire, il y a un VIP, et en fait, il faut savoir qu'à Disney, quand on dit il y a un VIP, 9 fois sur 10, tu ne connais absolument pas la personne. Enfin, c'est vraiment, c'est juste des gens riches ou des gens peut-être connus dans d'autres pays, mais moi j'ai jamais, enfin tu vois, j'ai jamais c'est reconnu. Des gens qui ont de l'argent. Après moi je, c'était pas très intéressant parce que je savais pas si, enfin voilà, il était juste accompagné de sa meuf quoi, mais du coup je, du coup mais j'ai, voilà, il était assez sympa, mais il m'a pas parlé quoi, il était vraiment. Il a resquié. Okay. Il avait, non bah il a pas fait, il a pas fait la, le mec complètement saoulé. Attends, il a payé sa bière ou pas? C'est ça les mecs qui payent pas leur bière. Non mais il a pas, effectivement il a pas fait la queue, il est passé par la queue du fast pass si vous étiez à Disney, vous voyez ce que ah, c'est. Tiens, ah tiens, voilà, toujours les mêmes. Il était avec la casquette, les lunettes de soleil et ouais, voilà. Mais il fallait l'insulter pour rentrer en. Eh dis donc connard, tu fais pas la queue. À Disney c'est 3 coups de fouet ça. Tu as été viré. Ouais c'est ça. Mais toi Freddy, tu l'as eu dans quoi? Bah moi j'ai travaillé comme vendeur en téléphonie mobile et un jour Elie Semoun rentre et il me sort un très vieux téléphone et il me dit est-ce que vous avez une nouvelle coque pour ce téléphone, et je dis bah non, ça fait un peu 4 ans que ce téléphone en fait n'existe plus. Et là il commence à partir dans une voix aiguë, tu vois, il est énervé, il me dit c'est pas normal, et moi je me mets à rire véritablement. Je ris parce que je me dis c'est drôle, c'est vrai, c'est génial. En fait il s'énerve et il dit ouais, je l'ai acheté ici etc, c'est pas normal. Il a commencé à dire oui, alors qu'est-ce que tu problème. Une personne m'a dit que c'était bon. Donc j'ai trouvé ça vachement drôle. Et puis il est sorti et j'ai continué de rire en me disant il est très drôle. Sauf qu'il était pas content. Tu l'as, les gens drôles qui gueulent et les gens sont morts de rire en face. Ils font, c'est ouf. Et le mec, voilà, il était. Ça a dû jouer dans sa dépression, je pense. Le mec, il n'a plus aucune. Je ne peux même pas gueuler dans un magasin. Ouais. Il va se plaindre. Il fait bon, allez, un petit vendeur de merde là, je vais me le faire. Le mec, il s'énerve, ce con. Eh ben écoutez, je pense qu'on va clore ce podcast. Non, moi j'ai encore une anecdote. Vas-y. Moi j'en ai 4, j'ai compté. Moi je voulais dire qu'avant on m'acceptait avec mes failles et maintenant les gens n'écoutent plus que Spotify. C'est beau. Voilà, et ben et ça me fait du mal. Bah non, mais je raconte pas mon anecdote. Je pourrais t'écouter pendant des heures et pourtant je préfère écouter 10 heures. Ah, j'allais dire avant ils allaient au théâtre de 10 heures, maintenant ils écoutent 10 heures. Ah, c'est technique. Avant l'opéra, on voyait des spectacles. Maintenant, c'est un navigateur internet qu'on utilise peu. Donc ça va. Et bien, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Petit tour. Avant, on dînait à 8h. Maintenant, on dîne devant Twitter. Avant, on dînait à 10h. Et... Ah non, on a déjà fait 10h. Hey, vous avez remarqué Facebook, ça ressemble à Facebook. Yes, ouais. Aussi. Hey, vous vous rappelez de MySpace? Vous rappelez de Napster? Sinon, suivez-moi sur Snapchat. Avant, on parlait sur ICQ. Maintenant, il n'y a plus que des plans cul. C'est beaucoup mieux. J'ai phobique des femmes aussi. À l'époque, on draguait sur AOL. Maintenant, sur Tinder, ça n'a pas changé parce que quand on voit des photos, on dit AOL. Ouais. Si, elle marche. Pour moi, elle marche. Non, pas du tout, c'est faux. Non. Avant, on naviguait sur des petits catamarans en famille avec son père qui avait acheté un catamaran. parce que il n'a pas le permis bateau, mais voilà, il avait un petit catamaran. Maintenant, on navigue sur Internet. Quoi. Vous avez remarqué que les brouillons sur Gmail, ils prennent beaucoup moins de place que dans la vie. C'est incroyable. C'est vrai, j'avais remarqué. J'en avais plein mon bureau à l'époque, et maintenant mon bureau est encore différent sur mon ordinateur. Et avant, on écrivait des lettres, maintenant c'est textos. Il n'y en a plus que pour les textos. Avant, moi dans le rap, j'excellais. Et maintenant, je remplis des tableaux Excel sur un ordinateur. Tableau Excel, lait. Ouais, c'est vrai. Ah, encore mieux. Ouais, bah c'est un brainstorm, hein, de toute façon. Ah, j'ai été DA. J'ai été DA. Sinon, vous avez vu les Rois Mages? Yes. Si vous n'avez pas vu, si vous ne voulez pas à quoi ça ressemble, et bah tapez les Rois Mages sur Google Images. Ça, vous aurez un aperçu. Ça dégénère beaucoup trop, là. J'aime beaucoup. Okay. Et bah avant pour voir à quoi ressemblait une rue, je me déplaçais. Maintenant j'ai sur Google Street View. Ça rime pas. Et je vous jure, on gagne un temps incroyable. Et on rencontre plus un de temps gens. Fou. Un temps fou. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Je mets des vidéos sur Vimeo. Elle marche. C'est la meilleure. Personnellement, c'est la meilleure. Avant, on était connecté à Internet via des câbles Ethernet, et puis entre temps, il y a la Wi-Fi. Enfin, je trouve ça hyper pratique. Parce que t'as plus besoin d'avoir ce câble relou. Alors, excusez-moi, mais là, il y a plein de geeks autour de la table. Est-ce qu'on dit le ou la Wi-Fi? Parce que Freddy dit la Wi-Fi. Putain, c'est vrai, même avec wifi. Le Snapchat de Golden Moustache, wifi, il fait des blagues sur la Wi-Fi. Non, mais parce que je suis. Je me demande si les gens sont choqués ou pas. Non, mais je suis anglophone et les la, le. Vous dites quoi? Vous dites le? Moi, je dis le Wi-Fi, moi. Et Flaubert. Pour être tout à fait honnête, je méprise ceux qui disent la Wi-Fi. Mais t'es pas le seul à m'avoir méprisé. Moi, c'est le Wi-Fi pour le coup. En tout cas, c'est la fin de ce podcast. Bah, merci les gars d'être venus. Merci à toi. On fait un dernier petit tour de table. Donc, Freddy, tu as un sketch lab qui sort bientôt, je crois. C'est ça, qui s'appelle Sissel. Sissel. La semaine prochaine, normalement. Ou peut-être, il aura peut-être un autre titre en plus. Je suis même pas sûr. Mais voilà, t'en as un qui sort peut-être la semaine prochaine. Et bientôt, une animation avec le Lab Golden Message. Enfin, je suis super content. C'est ce que j'allais dire. De fou. D'accord. De quoi ? Deux petits vidéos coup sur coup qui arrivent de Freddy, dont une en animation. Ouais, je suis tellement content, c'est fou. Ben, bravo, chambé. Et tous les. C'est les vendredis. La chronique, enfin la chronique, c'est un peu nul d'ailleurs de dire chronique, c'est un micro-trottoir, c'est un micro-trottoir de Panayotis sur lequel tu écris. Exactement. Sur le petit journal où on co-écrit ensemble. Ouais. Pelu. Aurélien Prévost, toi, tu as des sketchs Golden qui arrivent Oui, moi j'en ai déjà trois qui sont sortis. Vous pouvez les voir dans Le Lab ou juste dans Aurélien Prévost sur Golden Moustache. Il y avait Ninja Nick Couple. Voilà, le dernier c'était Ninja Nick Couple. Celui d'avant c'était Le Portable Magique avec Freddy et Anis. Et celui d'avant, c'était La Fille de ses rêves avec moi et Éléonore. Éléonore Coste. Donc, allez faire un tour. Le Lab, Aurélien Prévost, Freddy Gladieux, tout ça, des gars hyper délire. J'en ai un quatrième qui arrive, qui s'appellera peut-être Le Cascadeur, pour lequel j'ai fait du sport et tout. Donc, il faut regarder, parce que sinon, j'ai fait du sport pour rien. Et d'ailleurs, on peut vous suivre, les gars, aussi sur Snapchat, où vous êtes très marrants. Voilà. Freddy Gladieux, c'est Freddy Gladieux sans point, sans rien, juste c'est tout collé. Aurélien Prévost, c'est pareil, sans le X, mais comme on ne sait pas comment ça s'écrit, c'est E-A-U, comme d'accord. personne on ne sait. On mettra dans la non. description. Non, c'est faux. De ouf, chiant de ouf. Aurélien Prévost, sans le X, V-E-A-U. Venez, grosse barre de rire. Comment t'as dit, gros délire? Ah, délire génial. Délire génial. Moi j'adore. Je suis très dans le délire génial sur mon Snap. Pierre Lapin, le club. On va continuer le club. Le Clubbird. Non, c'est pas le Clubbird. Tu confonds avec le. Tu connais pas le Clubbird? Ah, bien. Oh la vache. Ah merde. Un truc d'internet que tu connais pas. Tintin. Je suis vexé. Mais oui, bah, le club va continuer. On va voir s'il va y avoir des nouvelles aventures. Peut-être à l'étranger. Après... Oui, parce qu'on peut dire aussi, vous êtes allé à Austin ou SXW. Voilà. Oh là d'ailleurs, là vous pouvez aller voir sur la chaîne du club officiel. Ouais. On a fait une review quotidienne du festival. On a bien kiffé, c'était fatigant. Pierre, qui est autour de la table, a vu Eric André sur Eric scène, André, par exemple. Le master Eric André. Il n'y avait pas Kinyu de Key & Peele qui était projeté à South by Southwest avec le chaton? Oui. Hein, j'ai pas vu le cinéma. Mais certainement. Parce qu'il y a South by Southwest, il y a le cinéma, la musique, internet et compagnie. Judd Apatow a joué sur scène aussi. Voilà, donc c'est pour ça. Allez-y, on y a vu Eric André et Hannibal Buress, le combo. Et donc voilà, je vous invite à aller voir ça sur YouTube, le club officiel. Et sinon, moi, je vais continuer ma petite vie photo vidéo et projet secret avec mon ami Fibre Tigre. Voilà, Fibre Tigre. Vous faites de l'oseille avec votre chaîne ou pas? J'y crois bien. Et avant, tout le monde cherchait son auréole. Maintenant, tu vendrais ton cul pour un peu de lol. Wow, ah, pas mal. C'est vrai. Voilà. Snapchat, Pierre Lapin. Ah oui, t'as aussi un Snapchat. Auréole Prévost. Pierre.lapin ou Pierre Lapin? Pierre Lapin. Tout collé, ok. Et Adrien, footcast. Hein. un peu comédien. Non, mais. Ta gueule, l'enculé. touche à tout. Et c'est très difficile, je l'introduis chaque semaine. Mais je sais, mais je. Et là, on t'a vu aussi dans le Secret des Balls. Exact. Et t'as un épisode très marrant avec Benoît Blanc, on va pas en dévoiler plus, mais vous êtes un petit binôme qui me fait franchement marrer. J'étais vraiment très content de tourner. J'étais en binôme avec Benoît Blanc et on s'est très bien entendu. On s'est vraiment marré. Bon, le texte était marrant et en plus on a un peu improvisé et c'était cool et surtout ça a été gardé plus ou moins les trucs qu'on a improvisé. Donc je suis vraiment très content, ça marche bien quoi, le résultat est chouette. Et d'ailleurs si vous aimez le Secret des Balls, et je pense que tu y seras, il y a la diffusion de toute la série le Secret des Balls au Max Linder qui est à ce moment-là j'ai essayé de gagner du temps, ce que je n'ai pas réussi à faire, pour vous dire la date de l'avant-première, le 21 avril. 21 avril au Max Linder, si vous êtes de Paris ou si vous êtes prêt à faire le déplacement, il y aura normalement toute l'équipe du Secret des Balls, dont toi, Adrien, je pense que tu y seras du coup. Oui, certainement. Oui, il y aura donc plein de gens, si vous voulez rencontrer Adrien et lui sniper des vannes par exemple. Oh, et n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà. Et puis moi, on vient de sortir Jojo, le sketch de Nicolas que j'ai réalisé et sur lequel j'ai un petit peu travaillé en écriture aussi, mais bon, qui est quand même à 95% le sketch de Nicolas. Et d'autres sketchs qui vont sortir, pas écrits par moi, mais que j'ai réalisé. Un sketch de Navo, un sketch de Justine Lepotier, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et d'autres projets qui, j'espère, vous plairont. Voilà, et écoutez, on va se quitter en disant tous au revoir en même temps. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde. Bisous.